Nous aimons, j'ai pris ta main au bord du continent. Et si tu mentais, objectas-tu, je crois en la sincérité, dis-je. Comment jouer avec l'amour? Je récitais un vers de Sénèque sous l'étoile du Caribe pour laquelle les pêcheurs meurent, les vagues te caressaient et je découvris ton âme d'enfant. Nous marchâmes sur le sable, émûmes les étoiles. Au matin, nous chantions, au soir, nous rêvions, et la nuit, parée de lumière, dicta notre mariage. Dicta notre mariage.